La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Zola est mort étouffé, enfumé, à cause d'un zingueur qui n'avait pas apprécié son j'accuse et avait bouché la cheminée de son poêle. Il n'était âgé que de 62 ans. Alors qu'il étouffait ainsi durant la nuit, peut-être a-t-il cru qu'il était seulement en train de traverser l'un de ses rêves agités dont il était coutumier, pareil à ceux qu'il consignait bien des années plus tôt dans son journal de cauchemars. Un rêve différent cependant de celui qu'il faisait d'habitude quand il se voyait enseveli dans un amas de roches qui l'écrasait un peu, oui, comme ses mineurs dans Germinal. Nous parlons donc de Zola jusqu'à jeudi. Hier avec Henri Mitterrand qui nous a présenté l'homme, demain avec Frédéric Giraud qui fera de son parcours une lecture sociologique et jeudi avec Alain Pagès qui nous parlera de l'école naturaliste ainsi que de l'affaire Dreyfus. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour nous demander à quel point l'œuvre de Zola est réellement réaliste et pour parler des Rougon-Macquart, nous sommes avec Émilie Piton-Foucault, professeure et chercheuse associée à l'Université de Rennes, autrice notamment d'un essai intitulé « Zola ou la fenêtre condamnée, la crise de la représentation dans les Rougon-Macquart » paru en 2015 aux presses universitaires de Rennes. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Personne n'a fait preuve à son époque d'une pareille sensibilité aux forces et aux virtualités du monde moderne. Sensibilité essentielle, point anecdotique, et s'accompagnant de prescience. Il a tout flairé dans sa fraîcheur, tout compris et mesuré avant les autres. Épanouissement de l'âge industriel, croissance et prise de conscience du prolétariat, naissance de cet être prodigieux qu'est la grande ville moderne, gonflement du machinisme, drame de l'évolution économique, de la concentration capitaliste dans la production, le commerce, la finance. Et il est vrai que, comme le disait à l'instant en archive Jules Romain, Zola a été très en avance sur son temps. Émilie Piton-Foucault, bonjour. Bonjour. On connaît surtout Zola comme l'auteur des Rougon-Macquart, ce cycle littéraire qui était d'ailleurs sous-titré « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire » et qui est un programme extraordinaire puisqu'il s'agit d'écrire rien moins que la modernité en train de s'épanouir. On peut peut-être dire d'ailleurs que c'était son sujet, au fond, la modernité. Alors oui, la modernité et puis aussi d'avoir, selon moi, son propre monde qu'il crée au moment de la fin du Second Empire et en quelque sorte d'avoir réussi à créer son époque à lui, dont il sera finalement celui qui crée et qui commande tout ce qui va se passer dans son propre monde, qui sera moderne, mais qui sera aussi le sien, son propre monde. Vous voulez dire qu'il y a un univers Zola, comme il y a un univers Tolkien, par exemple. Exactement. L'univers merveilleux et fantastique d'Émile Zola. Exactement, malgré l'aspect réel, finalement, c'est lui qui réussit à diriger son propre monde. Alors ça, c'est très contre-intuitif, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous a invité, pour que vous ayez une lecture contre-intuitive, mais très argumenté, on va l'entendre, de la littérature d'Émile Zola. C'est son propre monde, mais c'est quand même aussi une histoire du Second Empire. Vous êtes d'accord avec ça ? Ah oui, ça, sans aucun problème. Mais ce qui me donne cette impression, c'est aussi la préface qu'il a faite à La Fortune des Rougon, qui est la première préface de l'ensemble des Rougon-Macquart, où il parle toujours à la première personne, au futur, je vais faire ceci, je ferai cela, comme si c'était lui qui dirigeait. Et il finit cette courte préface en disant que le cercle est fini, alors qu'il a à peine commencé à rédiger les romans, et grâce à la fin du Second Empire. C'est-à-dire que ça y est, c'est fermé, c'est un cercle fini. C'est comme ça qu'il l'appelle, comme si maintenant, c'était son univers à lui. Même si il est vrai que il est évidemment que Napoléon III est au centre de l'ensemble, de l'évolution de la société dedans et de l'industrie aussi, énormément. Il y a une fascination pour le Second Empire de la part de Zola ? Pour cette période-là, en particulier de l'histoire de France ? Oui, nécessairement, parce que il l'a vécu lui-même lorsqu'il était très jeune, et aussi par intérêt de l'évolution de la société, ou en tout cas du comportement à ce moment-là, qui va vers la modernité, qui a coupé totalement ce qui précédait dans le comportement des bourgeois, notamment. À l'intérieur. Donc on est bien d'accord que c'est la modernité oui, qui le fascine. Sens, certainement. Mais il arrive toujours à en donner quelque chose de mythique, quelque part. Et même d'irréel dans sa manière de le donner, même si son intérêt numéro un est vraiment de montrer la modernité et de casser justement la littérature pour passer à la modernité. Alors Armand Lanoux distinguait dans sa préface déjà ancienne au Rougon-Macquart dans la Pléiade les écrivains extravertis, ceux qui parlent du monde comme Balzac, et les écrivains intravertis qui parlent du monde mais à travers eux-mêmes, comme Proust par exemple. Et il disait, Zola, c'est un extraverti. Est-ce que, justement, vous le croyez, vous, que c'est un extraverti? Puisque quand vous dites, Zola a créé son propre monde, on est plutôt à l'inverse, dans quelqu'un qui vit dans sa tête, dans son esprit à lui. Moi, je me suis souvent intéressée justement à une expression qu'on utilise très souvent et qu'on cite d'un des écrits qu'il a fait dès 1864 à Valabrègue, où il était en train de dire qu'une œuvre d'art, c'est une fenêtre ouverte sur la création. Mais la suite justement de la lettre est là en train de dire déjà c'est sur la création, donc c'est pas ouvert vers l'extérieur. Et il dit d'avance que ce n'est pas transparent à travers la fenêtre et que c'est justement chaque artiste qui met sa propre image dedans. Alors, il utilise des termes qui sont, on dit que c'est enchâssé ou que c'est opaque, cette vision. Donc il y a quand même l'intérieur pour lui qui est essentiel, la personnalité de l'écrivain qui compte avant tout. Et d'ailleurs, quelque chose qui est étonnant dans sa critique d'art, parce qu'il a fait beaucoup de critiques d'art, et en particulier une œuvre célèbre de Caillebotte, des raboteurs sur le parquet, qu'il déteste complètement. Pourquoi ? Il trouve que c'est anti-artistique. Ouais, trop réaliste alors ? Finalement, qu'il n'y a aucune personnalité dedans, donc ce n'est pas comme une création. Vraiment très, très critique d'une œuvre comme celle-là, parce qu'on n'a pas un regard de quelqu'un. Alors le motif de la fenêtre, on va y revenir tout au long de cette émission, puisque c'est celui que vous avez choisi pour toute votre démonstration, Émilie Piton-Foucault. Parlons peut-être un petit peu des Rougon-Macquart en eux-mêmes. Redire, on l'a déjà dit hier, mais enfin c'est tout de même important que ce sont 20 romans, depuis La fortune des Rougon jusqu'au Docteur Pascal. Ça fait 5 volumes de Pléiade, c'est donc une œuvre totalement immense. Et il y a un parcours depuis La fortune des Rougon jusqu'à ce Docteur Pascal, qui est un parcours qui a été balisé dès le départ, ou alors... parce que c'est tout de même 20 années, est-ce qu'il y a, au fur et à mesure de la fabrication, de l'écriture de ces Rougon-Macquart, des bifurcations par rapport au plan d'origine ? Pas beaucoup. Alors ça, c'est tout de même incroyable. Oui, et même l'arbre généalogique, il s'est excusé dans une page d'amour, donc qui n'était pas le premier roman, mais ça faisait quand même peu de temps sur l'ensemble qu'il a écrit, où il s'excusait dans la préface de ne pas avoir donné l'arbre généalogique dès maintenant. Et un des rares changements a été pour La bête humaine de rajouter Jacques, parce qu'il voulait qu'Étienne, qui a fait Germinal, ne pouvait pas faire les deux, ce qui était prévu au départ, ces deux romans, qu'il soit le héros des deux, et que ça ajoutait trop de choses pour être possible. Et donc il l'a rajouté, cet enfant qui n'était pas présent au début des romans, qu'il a ajouté à Gervaise, qu'elle est un enfant de plus. Mais globalement, l'ensemble a été respecté. Donc ça veut dire qu'à 30 ans, il a son programme de travail pour les 20 ans qui viennent. Exactement. C'est pour ça que dans l'idée de son propre cercle, c'est devenu aussi sa vie personnelle qui est dans ce cercle fini et qu'il va suivre jusqu'au bout. Alors, on peut l'interpréter de deux manières. Soit c'est quelqu'un qui était très jeune, extrêmement intelligent. Soit c'est quelqu'un qui n'a pas, du coup, pu évoluer entre 30 et 50 ans. Bon, j'imagine que vous êtes plutôt favorable à la première des hypothèses. Disons qu'il y a des éléments dans l'ensemble qui est étonnant, notamment entre le premier roman et le dernier roman, où on voit des échos entre les deux, comme s'il fallait vraiment que ce soit totalement clos et aussi que les personnages soient disparus ou décédés pour être sûr qu'il n'y avait pas de suite. Le seul qui est véritablement présenté, c'est l'enfant de Pascal, dont on n'a pas de nom, d'identité, et qui est le dernier vivant qui va vivre après, mais dont on ne sait rien. Et tous ceux qui étaient connus dans la famille sont soit partis au loin de la France, soit disparus, soit on n'a pas d'informations sur eux. Alors ce docteur Pascal, donc le dernier grand personnage des Rougon-Macquart, c'est le double de Zola aussi. Est-ce que donc il avait prévu, visiblement oui, de terminer par ce qui ressemble à un autoportrait et quel est-il ce docteur Pascal qui pourrait du coup, pour nous, permettre de comprendre davantage qui était Zola. Et qui est présent dès le premier roman, La Fortune des Rougon, où il se met à distance justement du reste de ses frères et de ses parents, où il ne se voit pas du tout pareil qu'eux. Et on le retrouve à la fin, effectivement, et ça c'est le double de Zola que tout le monde confirme. En tout cas, il est tellement proche de lui. Qu'est-ce qu'il rend proche de lui alors ? Par exemple, l'arbre généalogique, il est en train de le dessiner puisqu'il travaille sur l'hérédité de sa propre famille. Ouais. Mais sa famille dont il ne veut pas être identique. Le fait que c'est le seul à ne pas avoir subi l'hérédité dans la suite des autres comme s'il était à part. Il va douter de plus en plus, et à la fin, c'est lui qui décède. Le rapport à la science aussi. Oui, rapport à la science, mais qui évolue au fur et à mesure du docteur Pascal, justement. Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Émilie Piton-Foucault, l'image de Zola, elle est très forte, elle est aussi assez caricaturée. On le voit comme un écrivain misérabiliste, un écrivain travaillant aussi à partir de fiches, presque un journaliste. Et vous allez essayer de nous montrer comment ce Zola-là, ça n'est pas le vôtre. On a affaire à un écrivain du merveilleux, un écrivain des mythes, un poète même avec Zola. Alors poète, en tout cas quand il était très jeune, il avait essayé justement d'en faire, il en avait produit. L'idée. La prose n'est pas poétique chez Zola. Ah si, énormément, notamment dans les sons, dans les rythmes. D'ailleurs, vous avez vu Henri Mitran hier, qui lui, comme Desallais, ont vu comme un opéra en fait à l'intérieur de son écriture, à cause des sons, des rythmes qui reviennent sans cesse, et aussi peut-être de l'organisation des chapitres qui se répondent les uns les autres. Donc véritablement une technique, une structure qui est très artistique dans sa manière de faire. Alors le premier volume paraît en 1871 des Rougon-Macquart, ça s'appelle La Fortune des Rougon. Et vous vous attardez dans votre essai, Émilie Piton-Foucault, sur le motif des reflets de l'eau. Encore une fois, c'est un angle inattendu. Pour Zola, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pourquoi ça vous intéresse en particulier de parler de ça, d'évoquer ça ? Ce qui m'étonne dans les reflets de l'eau dans ce roman, c'est qu'un reflet, théoriquement, comme un miroir, est souvent utile justement pour représenter un reflet de ce qui est réel. Et généralement, il l'utilise pour faire rentrer dans le noir, dans ce roman-là, dans le tragique, dans la peur, le mystère qui est présent dedans, et les deux personnages qui sont centrés autour d'un puits et d'une rivière, eux sont associés à la mort qui est annoncée justement dans l'eau dans laquelle ils vont, qui ressemble à Ophélie beaucoup. Alors, on peut parler justement de ces deux personnages, c'est Silver et Miette, ouais, qui sont les deux adolescents idéalistes, ce sont deux très beaux personnages. Le roman commence dans ce qui était avant un cimetière, qui est devenu une sorte de terrain vague. Et ces deux adolescents, dans le tumulte de l'histoire en train de se faire, s'aiment de façon très chaste, se regardent à travers le reflet de l'eau. Et vous expliquez, Émilie Piton-Foucault, que on est là à la fois dans l'amour en train de naître et aussi dans ce cimetière, donc entre Eros et Thanatos, qui est évidemment un motif aussi que l'on peut retrouver très clairement dans ce roman. Ça encore, c'est une façon d'analyser Zola qui n'est pas habituelle. Comment est-ce que vous pourriez détailler un petit peu ce que vous voyez à travers ce motif d'Eros et Thanatos dans ce roman et puis peut-être chez Zola en particulier ? En tout cas, en général, je veux dire. Oui, entre ces deux personnages, il y avait un mur, justement, de chaque côté d'un puits où ils se voyaient l'un l'autre sans être en face l'un par rapport à l'autre. Bon, il y avait des liens avec Roméo et Juliette, etc., du fait que, ils étaient séparés, mais c'était justement le moyen d'être séduit l'un par l'autre en étant à distance. Et aussi le fait de se voir uniquement par le reflet de l'autre côté, ne pas se voir soi-même, mais voir l'autre. Donc effectivement, ça relève vraiment des mythes, ou en tout cas de la tragédie très présente à l'intérieur. De la tragédie shakespearienne aussi, ouais. Vous nous dites que ouais. Zola a beaucoup lu Shakespeare et que ça se sent. Oui, surtout, c'est le cas de toute façon dans ce premier roman, où aussi le style de Hugo aussi est très présent à l'intérieur. Alors, peut-être parce que c'est son premier roman, mais il n'empêche que cet aspect reviendra dans plusieurs romans, même ceux qui sont plus lointains de Shakespeare, mais qui ont le même type de description présent dedans. Donc l'amour, la mort, le sexe aussi, il est question du puits, vous l'avez dit, du trou humide, des coins noirs. Enfin là, véritablement, on n'est pas dans le social, on est vraiment dans l'humain. D'autant que dans ce roman-là, les chapitres séparent complètement l'autre partie de la famille qui veut réussir en prenant le pouvoir grâce au coup d'État de Napoléon III. Et les autres chapitres mettent à distance justement ces deux amoureux qui vont décéder à la fin, puisqu'il faut cesser cela pour que l'histoire avance sociale. Alors qu'est-ce que c'est que la réalité pour Zola? Grande question que vous posez donc dans votre essai. Vous dites que pour Zola, la vue se révèle en crise, au point que voir ne serait plus ni savoir ni pouvoir, mais plutôt réagir face à la menace d'un réel chaotique, opaque, brutal. Est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu cette phrase? Il a utilisé le mot fenêtre pour parler de la production, ou en tout cas de la création d'un roman ou d'une œuvre d'art, en disant que c'était face à une fenêtre qu'il ne décrit cependant pas uniquement de manière transparente, en disant justement, il a décrit comme un support finalement de la vision de l'écrivain, donc une vision personnelle. Et donc il y a un paradoxe entre sa volonté d'être très réel, très réaliste, et d'un autre côté, il faut qu'il y ait une personnalité présente de l'artiste, sans quoi, s'il n'y a pas cette personnalité qui casse finalement la réalité, il n'y a pas de création véritable. Et le mot création revient tout le temps. Selon moi, il y a un sens religieux qui n'est pas lointain dans l'idée que la création, c'est un démiurge qui crée son propre monde. Et aussi l'idée que de toute façon, nous tous, êtres humains, à son époque, il y avait Taine, il y avait Schopenhauer, qui disait bien que la réalité, ce n'est que une projection mentale de chaque personne et que votre regard, comme le mien, ne voit pas exactement la même chose. Donc il est impossible d'être objectif de toute façon. Donc le réel est toujours à distance, finalement, d'un écrivain. Donc la fenêtre en question, c'est une fenêtre qui est opaque. On va le voir, vous prenez beaucoup d'exemples de cela dans le texte. C'est un écran sur laquelle Zola projette. Alors quoi, ses fantasmes? Alors ses fantasmes ou tout simplement son œuvre à lui, donc presque une peinture qui est une toile sur laquelle on met des couleurs, on met des lignes. Et pour aller plus loin, parfois j'ai l'impression que dans sa description, c'est la page sur laquelle il écrit qui est décrite avec beaucoup de blanc, beaucoup de noir, qui font penser à la page sur laquelle il est en train de rédiger avec de l'encre. Alors il y a beaucoup de motifs de fenêtres dans cette œuvre. On va en entendre, pour commencer, un exemple pris dans Germinal. C'est une lecture par Guillaume Gallienne. Le flot roulait sur mon dessous le long des lacets de route entre les maisons basses bariolées de couleurs vives. On fit sortir la calèche de la cour, mais le cocher n'osait prendre sur lui de ramener madame et ses mademoiselles sans encombre si les grévistes tenaient le pavé. Et le pis était qu'il n'y avait pas d'autre chemin. « Il faut pourtant que nous rentrions. Le dîner nous attend !» dit madame Hennebeau hors d'elle, exaspérée par la peur. « Ces sales ouvriers ont encore choisi un jour où j'ai du monde. Allez donc faire du bien à ça !» Ils partirent. La bande au loin ruisselait dans mon dessous. Il circulait des histoires abominables. On parlait d'affiches manuscrites menaçant les bourgeois de leur crever le ventre. Puis le groupe fit halte devant l'hôtel du directeur. Et leurs cris retentissaient. « Du pain ! Du pain ! Du pain !» Monsieur Hennebeau était debout, à la fenêtre, lorsqu'Hippolyte entra fermer les volets, de peur que les vitres ne fussent cassées à coups de pierre. Monsieur Hennebeau, qui voulait voir, monta au second étage et il se tint derrière la persienne, dominant la foule. Toute sa rage de l'après-midi, cette furieuse bataille au fond du grand silence de sa solitude, aboutissait maintenant à une immense fatigue. Son être était comme cette chambre, refroidie, balayée des ordures du matin, rentrée dans la correction d'usage. À quoi bon un scandale? Sa femme avait simplement un amant de plus. Il se prenait en pitié au souvenir de sa folie jalouse. Une amertume affreuse lui empoisonnait la bouche, l'inutilité de tout, l'éternelle douleur de l'existence, la honte de lui-même qui adorait et désirait toujours cette femme. Et sous la fenêtre, des hurlements éclatèrent avec un redoublement de violence. « Imbécile !» dit Monsieur Hennebeau entre ses dents serrées. Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors qu'est-ce que vous retenez de cet extrait avec la fenêtre qui sépare le peuple grondant d'un côté et le bourgeois de l'autre? Et une volonté que sa vie personnelle finalement le fait refermer et n'être que dans son monde personnel à lui-même et finalement... Il est aveugle à ce qui se passe au dehors. Donc en fait la fenêtre pour le coup n'est pas réellement transparente puisque il voit sans voir ce qui se passe sous sa fenêtre. Oui, finalement très peu de descriptions, surtout l'action qui se passe en face et il ne nous transmet pas véritablement... toute la vision qu'on peut avoir sur l'extérieur à travers cette fenêtre-là, de rester dans son propre monde. Oui. Alors, est-ce qu'on peut avoir aussi la lecture superficielle est la lecture sociale du bourgeois en haut, derrière sa fenêtre, et des ouvriers en bas? Certainement, mais là, c'est vraiment... l'affaire de son épouse qui la trompe, qui l'a perturbée lorsqu'il l'a découvert, qui prend aussi une grande place dans sa fermeture vis-à-vis de ce qui est à l'extérieur. Il y a des exemples de fenêtres qui sont encore plus perturbants dans les Rougon-Macquart, notamment, je pense au tout début Joie de vivre, où l'héroïne arrive... qui s'appelle Pauline, qui est aussi celle qui est présente dans le ventre de Paris. Et ses parents sont morts, et donc des gens lointains de la famille vont s'occuper d'elle quand elle est toute petite. Elle arrive dans la maison, c'est la nuit, et pendant tout le chapitre, elle va aller à la porte-fenêtre, à regarder l'extérieur, et tout est noir. La description permanente, c'est le noir, le noir, le noir, où elle ne voit rien. La fenêtre, c'est aussi la vitrine et on ne peut pas s'empêcher de penser aux événements d'il y a une dizaine de jours sur les Champs-Élysées et à l'Arc de Triomphe et ce Paris tout de même barricadé avec des fenêtres, des vitrines de magasins sur lesquelles on a accroché des panneaux de bois pour éviter qu'ils soient cassés. Là, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, les manifestants, hein, car c'est de cela qu'il s'agit, ont envie de jeter des pierres à travers la vitrine de Monsieur Enbo. Vous l'avez fait, vous, ce lien, la semaine dernière, dans en regardant les informations? Alors, je n'y avais pas pensé, mais il est vrai que parfois, chez Zola, il y a même une description de vitres qui sont cassées. Justement, parce que finalement on voit plus la vitre si elle est cassée que s'il y avait la banalité de voir à travers ce qui est dedans. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une opposition claire entre l'intérieur et l'extérieur avec la vitrine. Alors je vous propose d'écouter un deuxième extrait où il est aussi question d'une fenêtre. Cette fois c'est dans l'Assommoir et c'est Gervaise qui attend le retour de Lantier à la fenêtre de l'hôtel Boncoeur. Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à 2h du matin. Puis, toute frissonnante d'être restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit, fiévreuse, les joues trempées de larmes. Depuis 8 jours, au sortir du veau à deux têtes où il mangeait, il l'envoyait se coucher avec les enfants et ne reparaissait que tard dans la nuit, en racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vu entrer au bal du grand balcon, dont les 10 fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs. Et derrière lui, elle avait aperçu la petite Adèle, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant, marchant à 5 ou 6 pas, les mains ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des globes de la porte. Quand Gervaise s'éveilla, vers 5 heures, raidie, les reins brisés, elle éclata en sanglots. Lantier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Même exercice, Émilie Piton-Foucault, qu'est-ce que vous retenez de Gervaise attendant à la fenêtre le retour de Lantier qui n'arrive pas ? Qui n'arrive pas, et puis la nuit et les lumières qui arrivent, qui commencent à... Alors, ce qui est léger hein, dans cette fenêtre-là, mais qui commence à donner l'impression finalement d'une peinture hein, qui est en face d'elle, et l'attente qui n'est pas en train de... Nous communiquer véritablement Paris, mais c'est ce qui se passe dans son cerveau finalement qui est en train de devenir une image hein, dans ce qu'elle a en face finalement, qui représente bien ce qui se passe dans sa tête. Et puis c'est peut-être aussi, pour le coup, la fenêtre réellement obturée, même si on voit au travers, on ne peut pas y voir ce qu'on cherche à y voir, c'est-à-dire, en l'occurrence pour Gervaise, l'homme qu'elle aime. Exactement. Il y a toujours cette incapacité d'avoir véritablement ce qu'elle cherche à voir en face. Oui. Il y a aussi beaucoup d'autres fenêtres obturées dans l'œuvre de Zola. Vous en avez quelques-unes en tête? Alors, certaines qui sont fermées me font tout de suite penser au docteur Pascal, qui lui est le scientifique, qui normalement travaille sur tout ce qui est réel à l'extérieur et qui est toujours enfermé chez lui. On voit un grand soleil autour de chez lui et lui, ça ne fait que rentrer par les persiennes hein, qui sont chez lui, mais il est toujours, et d'ailleurs il habite à un endroit qui s'appelle Souleyade, qui veut dire à la fois le soleil, mais qui a aussi un rapport étymologiquement avec l'idée de la solitude hein, qui est présente dedans. Donc il est seul et il est séparé hein, du reste du monde, et il ne regarde jamais vers l'extérieur. Et alors ça c'est incroyable quand on sait, ce qu'on a dit au début de l'émission, que c'est un autoportrait de Zola. Zola serait donc l'écrivain qui ne regarde jamais vers l'extérieur. Ce qui est étonnant, c'est qu'un autre qui représente qu'on associe souvent à Zola, hein, c'est Sandoz dans l'œuvre, qui est l'ami de Claude le peintre, qui aussi fait des livres qui sont très proches de ce que Zola écrit, et lui-même le dit qu'il aimerait jeter sa clé par une fenêtre, parce que il est toujours, et c'est ça qui est horrible dans son travail, c'est qu'il est toujours fermé du reste du monde, parce qu'il est toujours en train de travailler sur son écriture. Et que finalement, sa vie... Il l'a quelque peu gâché. Ouais. Complètement. Alors, il y a aussi quelques personnages qui regardent le monde à un moment donné de leur vie. C'est un moment de prise de conscience. Ils le regardent par la fenêtre. Il y a Napoléon III qui scrute la Meuse dans le livre La Débâcle, depuis l'auberge de Bouillon, où il est retranché. Il y a aussi le père Chanteau qui regarde son village alors qu'il entend l'arrivée de Pauline à la porte-fenêtre de sa maison. Ça, c'est au tout début de La Joie de vivre. Et puis, il y a Saccard, qui observe la place de la bourse depuis la fenêtre d'un restaurant au tout début de L'Argent. Saccard, dont on a parlé au cours d'une émission en début de cette saison dans La Compagnie des auteurs, une émission précisément sur l'argent. C'est des moments de suspension où les personnages se rendent compte de ce qui leur arrive. C'est un moment où ils s'arrêtent dans leur vie et ils regardent qui ils sont devenus. Alors cette vision... Une fenêtre qui fonctionne très bien, théoriquement, dans l'argent. Et finalement, dans la description qui est faite par Zola, finalement, on a une surface plate où on voit juste des petites fourmis de loin, toutes noires et blancs, où finalement, il imagine son avenir, mais la vision n'est pas réaliste elle-même. Et l'autre roman dont il est le héros, La Curée, on le voit au loin, à Montmartre, dans un restaurant où il sent que ça va être sa fortune qui va venir. Et là, c'est les mille et une nuits qu'il est en train de voir, où il y a de l'or partout, grâce au soleil qui descend, justement. Et aussi, il voit des couleurs qui sont émeraudes, etc. Donc finalement, c'est son futur, finalement, qu'il est en train de voir, et pas du tout une vision réaliste de la ville qui est en face de lui. Paris est autre. Et il le voit d'une manière picturale. C'est un tableau que vous avez déjà commencé à nous dresser, finalement, Émilie Piton-Foucault. On en parlera en seconde partie de cette émission, car il y a encore beaucoup à dire, juste après la chronique de Jérôme Dupuis. La Compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Jérôme Dupuis du magazine L'Express, notre partenaire. Bonjour Jérôme. Bonjour. L'Express qui s'est intéressé ces jours-ci à un prix créé par deux amis de Zola, justement, le prix Goncourt. Plus exactement, vous vous êtes intéressé au grand perdant du Goncourt, Jérôme. Oui, on a trouvé ça amusant à cette époque où le dernier prix Goncourt, Leurs enfants après eux de Nicolas Mathieu est le livre le plus vendu en France. Il va sans doute se retrouver sous pas mal de sapins à Noël. De s'intéresser aux perdants du Goncourt parce que depuis 1903, date de création du prix, des écrivains comme Simenon, Céline, Alain Fournier, Saint-Exupéry sont passés à côté de ce prix. Vous êtes en train de nous dire que c'est pas Nicolas Mathieu qu'il fallait primer? Non, je ne dis pas ça du tout. Ah. L'avenir nous le dira, nous verrons bien. Et deux libraires d'anciens, Hervé Valentin et Eric Fauss, ont dressé un très très beau catalogue autour des Goncourt et notamment autour des perdants du Goncourt. Et pour ce faire, ils sont allés voir les délibérations et les archives du Goncourt et donc ils peuvent expliquer un peu en quoi certains grand écrivain ont pu passer à côté de ce prix. Et ça commence assez tôt, hein, dès 1913. Oui, c'est une année un peu emblématique, parce que cette année-là, il y avait quand même quelques bons romans qui étaient parus, du côté de chez Swann, de Marcel Proust, certes à compte d'auteur, et qui n'était pas réellement candidat au prix à l'époque, fallait être candidat, mais qui a quand même été évoqué par les jurés, Le Grand Môle d'Alain Fournier, Barnabous de Valérie Larbaud, et pourtant... le vainqueur sera Marc Elder pour Le Peuple de la Mer. C'était peut-être très bien, il faudrait le redire. C'était peut-être très bien, mais je ne suis pas sûr que beaucoup de gens l'ont lu depuis un siècle. Et alors, quelle est l'explication? C'est qu'en fait, il y avait des partisans de Fournier, il y avait des partisans de Larbaud, ils se sont écharpés pendant 3 heures, 10 tours de scrutin, et puis ils arrivaient à une situation de blocage, et puis finalement, la seule solution qui a été trouvée, c'était de sortir un troisième larron du chapeau, et donc ça a été Elder, et c'est donc lui qui l'a eu. Petite consolation, Marcel Proust l'aura en 1919 pour Allons des jeunes filles en fleurs. Alors un autre cas célèbre, peut-être même le cas le plus célèbre, c'est celui de Voyage au bout de la nuit de Louis-Ferdinand Céline en 1932. Pourquoi Céline n'a-t-il pas eu le prix Goncourt cette année-là? Alors il y a plusieurs raisons. C'est d'autant plus incroyable que le jury s'était réuni une semaine auparavant et avait quasiment voté pour lui. Donc il était quasiment certain de l'avoir. Il s'était d'ailleurs rapproché du restaurant chez Drouhan pour presque aller recevoir son prix. Il avait pris un petit grelot d'un jouet de sa fille Colette pour passer un peu sa nervosité. Et la légende dit que lorsqu'il a appris qu'il n'a pas eu le Goncourt, car il ne l'a pas eu, il a broyé ce grelot de dépit. Parce qu'en effet, c'est Guy Maslin pour les loups qu'il a eu. On ne peut pas dire qu'ils sont non plus restés vraiment dans l'histoire littéraire. Alors là aussi, il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'une partie des jurés ont été choqués par le style, évidemment, torrentiel, verbal de Céline. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est ce qu'on a pu appeler la cuisine des prix. C'est-à-dire que Gaston Gallimard avait déjà raté le Goncourt l'année précédente pour Vol de nuit de Saint-Exupéry. Et donc, il a tout fait pour pousser son poulain Maslin, y compris contre Louis-Ferdinand Céline. Bon, autre date importante pour ces ratés du Goncourt, c'est 1968. Il y avait deux grands romans cette année-là, Belle du Seigneur d'Albert Cohen et Place de l'Étoile de Patrick Modiano. On imagine que il aurait dû ce prix revenir à l'un de ces deux romans, ça n'a pas été le cas. Il aurait dû, il aurait pu en tous les cas, mais le lauréat du Goncourt 1968 aura été Bernard Clavel pour Les Fruits de l'Hiver. Alors, encore une fois, c'est très facile de railler comme ça, un demi-siècle plus tard, la position des jurés. Ils avaient repéré ces très bons livres, que ce soit celui d'Albert Cohen ou de Patrick Modiano. Mais ils ont estimé, notamment pour Albert Cohen, que le testament des Goncourt stipulait qu'il fallait une œuvre novatrice, nouvelle, plutôt un jeune auteur. Et Albert Cohen, ayant déjà publié tout le cycle de Solal plus de 30 ans auparavant, ils ont estimé voilà qu'il ne le méritait pas. Quant à Patrick Modiano, finalement, ils le lui donneront une dizaine d'années plus tard, avec Rue des Boutiques Obscures. Pour la petite histoire, le perdant face à Modiano cette année-là sera Georges Perec pour La vie mode d'emploi. Donc on peut dire qu'il y a un nouveau grand perdant cette année-là. Ils enchaînent. Alors, dernier nom à citer, c'est Houellebecq. Bon, il a fini par l'avoir quand même, Houellebecq. Mais il ne l'a pas eu en 98 pour Les Particules élémentaires, comme ça aurait été peut-être possible. Oui, ça aurait même été bien, on peut le dire, effectivement. Alors en réalité, il a pas vraiment été en lice, il était dans la première sélection, mais il a été très très vite écarté, contrairement à ce que laisse entendre une certaine légende. Du coup, il était presque persuadé qu'il l'aurait en 2001 pour Plateforme, il ne l'a pas eu. Lui, et je dirais surtout son éditeur, Claude Durand, était convaincu qu'il l'aurait en 2005 pour La possibilité d'une île, ils ne l'ont pas eu. Et finalement, il ne l'aura qu'à la quatrième tentative, en 2010, avec La carte et le territoire. Mais peut-être pas son plus mauvais, d'ailleurs. Non, c'est vrai. Mais même si les jurés s'en défendent, c'est aussi une manière, d'une certaine manière, de rattraper certains ratages, peut-être celui de 98. C'est un peu sans doute ce qu'ils ont fait avec Marguerite Duras, puisqu'elle a été à deux doigts de l'avoir en 1950, pour le barrage contre le Pacifique, et finalement elle ne l'obtiendra pour L'Amant qu'en 1984, c'est-à-dire quand même 34 ans plus tard. Voilà, il faut avoir un peu de patience. Merci Jérôme Dupuis, on retrouve votre signature dans les pages livres du magazine L'Express. Deuxième partie de cette émission consacrée à Émile Zola dans la compagnie des auteurs. Nous sommes en compagnie justement d'Émilie Piton-Foucault et c'est le moment de retrouver en archive un extrait de l'hommage rendu à l'écrivain par André Mauroy. J'ai prononcé le nom de Hugo, je vais le répéter, car les deux hommes avaient en commun une faculté très rare, celle de donner une vie surnaturelle à des monuments ou à des villes. Notre-Dame est la véritable héroïne du roman Notre-Dame de Paris, l'océan des travailleurs de la mer. Eh bien, la mine est l'héroïne de Germinal, le magasin du bonheur des dames, le paradou de la faute de l'abbé Muret. Cette faculté de créer des mythes et d'animer des choses inanimées est essentiellement primitive et poétique. Zola est un grand romancier poétique. Le caractère surhumain de son œuvre en fait la force. Elle s'impose à l'esprit. Balzac, lui aussi, eut ses monstres, et même Proust, la grandeur n'est pas vraie, elle est plus que vraie. Jules Lemaître, critique contemporain, qui, malgré lui et malgré ses préjugés politiques, estimait Zola et le craignait, a dit de cette œuvre qu'elle est une épopée pessimiste de l'animalité humaine. Je ne crois pas que ce soit tout à fait juste. Pessimiste, oui, bien sûr, Zola l'est, comme tout homme qui a observé les hommes. Le mal existe et il tient dans le monde une place immense. Mais le véritable pessimiste, c'est celui qui accepte le mal, qui parfois même y prend un sombre plaisir et enfonce l'homme dans son animalité et dans sa faute. Tel ne fut pas Zola. Ses derniers romans sont au contraire un effort pour offrir à l'homme de grands espoirs. Il a peint l'horreur des villes tentaculaires, mais aussi les espoirs de la cité future. On imagine que vous êtes d'accord avec André Mauroy, Émilie Piton-Foucault. Oui, évidemment. En tout cas, de ne pas rester sur un cliché hein, qu'on peut souvent associer à Zola. Parce que ça veut dire, c'est que lui, il l'avait vu. Assez tôt, André Mauroy, ce que vous dites. Oui. Parce que, oui, il y avait vraiment eu des clichés hein, vis-à-vis de Zola dès son époque qui étaient transmis tout autre. Mais lui n'a rien fait pour lutter contre ces clichés. Finalement, il s'est trouvé peut-être assez bien dedans. Ce qui a été drôle, c'était lorsque Zola lui-même voulait faire partie de l'Académie hein, et qui n'arrivait jamais à être pris dedans. Alors sans doute à cause justement du pessimisme et aussi des êtres humains tels qu'ils étaient dedans. Et on a dit qu'à cette époque-là, il avait écrit le livre « Le rêve ». Qu'il a représenté une jeune femme, le seul livre qui était lu par des jeunes filles, justement, à son époque, de lui, parce qu'il voulait plaire, justement, pour réussir à avoir, à être présent et devenir académiste, sans que les gens voient, justement, tout ce qui était caché dans le roman. On parlera des stratégies demain dans notre émission sociologique. Alors, Mauroy parlait de la mine, du grand magasin, des Halles Baltard, en expliquant que c'était des personnages de Zola, et c'est vrai au fond que au-delà des trajectoires de cette famille, de ces familles, les Rougon et les Macquart, il y a vraiment le décor. C'est le décor qui compte aussi chez Zola. Oui, énormément d'ailleurs. Dans Une page d'amour, c'est le roman où il y a plusieurs parties qui chacune ont plusieurs chapitres, et le dernier chapitre à chaque fois est une grande description de tout Paris. Il s'est excusé parce que dans ses descriptions de Paris, il ajoutait l'opéra Garnier dedans, alors qu'à cette époque-là, il n'était pas encore construit dedans, mais il avait besoin de montrer ça dans l'ensemble de créer son œuvre à lui, l'image qu'il avait en face de lui de Paris. Parce que pour lui, Paris, c'est l'opéra Garnier aussi. Oui. Voilà. Et ça prouve bien ce que vous dites, qu'au fond, quand on lit du Zola, on ne lit pas un roman historique, on lit ce qu'il y a dans la tête d'Émile Zola. Oui. Et d'ailleurs, à la toute fin de sa vie, il écrivait des livrets pour des opéras. Et le dernier, celui qu'il a écrit en 1902, l'année il l'a écrit un mois avant sa mort, parlait justement de l'opéra Garnier. Il essayait de faire avoir cet opéra à l'Opéra Garnier, qui parlait de ce qui se passait à l'intérieur de l'Opéra Garnier. Oui. C'était presque lui qui gérait et qui organisait tout à l'intérieur de l'opéra. Mais alors quand même, rassurez-nous un petit peu, parce que nous, quand on lisait Zola et qu'on était en troisième, en quatrième, on avait l'impression que on était plongé dans le 19e siècle et qu'on comprenait ce que c'était que le 19e siècle. C'est quand même un petit peu vrai. Il a quand même travaillé sur le réel, Zola. Bien sûr qu'il a travaillé dessus, mais comme un peintre, qui est comme Manet. Manet, qui est réaliste, qui montre son époque, mais qui n'est pas considéré, qui est considéré comme justement celui qui a fait l'art contemporain, en tout cas l'art nouveau, qu'il a, pas le mouvement art nouveau, oui, mais en tout cas un art qui est nouveau, et qui est vu comme même Picasso, qui était la référence même justement du passage vers la modernité. Oui. Donc tout en étant réel. C'est un peintre, et c'est là aussi que vous allez encore plus loin dans votre essai, Émilie Piton-Foucault, quand vous dites, non seulement c'est un peintre au sens métaphorique, mais en plus, c'est un peintre au sens du graphisme. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de Zola, peintre, qui nous montre la couleur, la lumière, et qui compose un tableau dans une page? Celui qui me semble le plus évident, au niveau de l'abstraction, puisque j'ai vraiment l'impression que ses œuvres ne sont pas lointaines de l'abstraction. Ou c'est d'ailleurs ce qu'il disait, puisqu'il a fait beaucoup de critiques d'art sur Manet. Ce n'était pas le sujet en soi qui l'intéressait, mais les taches de telle couleur, telle couleur, telle couleur dedans. Donc ce qui compte, c'est la touche et la couleur, plus que la représentation. C'est vraiment la différence, justement, dans l'art abstrait, où c'est une figuration, mais qui n'est pas une représentation. Et lui-même, dans l'incipit de Germinal, c'est exactement ce qui arrive à Étienne, qui arrive dans un endroit qu'il ne connaît pas du tout, et on découvre son arrivée à la mine, dans ce décor qu'il ne connaît pas du tout, en pleine nuit, tout est noir, et tout ce que l'on voit, on ne nous dit pas que c'est un brasier, il ne sait pas que c'est un brasier, mais tout ce qu'il voit, c'est une, deux, trois cercles rouges, qui sont là sur l'ensemble qui est noir. Et ce n'est que plus tard qu'il se rend compte que c'est un brasier qui est présent. Donc véritablement, c'est la couleur, la forme qui compte avant tout pour créer l'imagination en fait de ce roman, plus que l'endroit où il est concrètement. Donc à la même époque, son ami Cézanne travaille à partir de motifs qui sont des motifs qu'il peint en tant que tel, comme d'ailleurs Picasso continuera aussi de travailler à partir de motifs. Et là, vous êtes en train de nous dire qu'au fond, Zola, il avait déjà passé cette étape et qu'il était déjà à l'étape d'après, c'est-à-dire à l'abstraction totale. Ce qui est étonnant, c'est que Cézanne relève énormément de ça, de l'arrivée vers l'abstraction, hein, puisque lui prenait systématiquement, faisait des peintures de la montagne en face de lui, mais tout ce qui comptait, c'était justement les taches qu'il mettait dedans. Mais la montagne était là quand même. Oui, et la montagne était là. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a été important, Cézanne, justement, vers cette abstraction, et que finalement, Zola ne l'a pas saisi chez son ami. Comment alors vous expliquez ça, d'ailleurs ? Je pense que c'est l'évolution qui est chez Cézanne, et les premiers moments où il parle de peintre, alors ce n'est pas Claude Lantier, hein, Cézanne, mais donc l'un des personnages, hein, oui, voilà, de l'œuvre qui quelque part relève plus de ce que faisait auparavant Cézanne et pas, enfin le je ne vais pas dire le meilleur de Cézanne, mais c'est vraiment au fur et à mesure, hein, de son art et donc plus qui aura lieu après, hein, dans sa peinture. Je ne sais. Est-ce que vous avez un autre exemple de peinture faite par Zola dans un paragraphe ? Moi, personnellement, je pense à au ventre de Paris, où on voit ces charrettes qui sont pleines de légumes de toutes les couleurs, et on passe aussi devant des étals de poissons, des étals de viande, dont on nous décrit la couleur. Ça vous fait penser à quoi, vous, Émilie Piton-Foucault ? Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand je suis en train de lire ces longues descriptions, à part la couleur, je ne vois rien. Je pense notamment au fromage. On a une liste de noms propres. Vous sentez quand même. Peut-être, mais c'est un ensemble. Et finalement, les mots reviennent. Ce sont des énumérations. Les mots se suivent, se suivent, se suivent. Et il fait des comparaisons avec une lune ou des choses comme ça. Mais des cercles de toutes les couleurs qui sont là. Et finalement, le fromage n'a aucune importance dedans. C'est plus la forme et la couleur. Et finalement, c'est exactement ce qui se passe dans le personnage. Justement, c'est pour ça que Claude Lantier aime les Halles, justement parce que c'est les couleurs qui comptent. Et peindre, pour lui, d'ailleurs, dans l'œuvre, il dit que pour lui, tout ce qui compte, c'est les carottes. Ça, c'est le symbole d'une très bonne peinture. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous sommes avec Émilie Piton-Foucault pour parler d'un Cézanne, vous voyez, moi-même je m'y perds, d'un Zola qui était un écrivain qu'on découvre être aussi un peintre, et puis un peintre voyeur, et ça je crois que c'est important de revenir sur cette idée que vous développez dans votre essai. En quoi il est voyeur, Zola ? Alors, il est voyeur puisqu'il y a toujours une distance entre ce qu'on est en train de regarder et la chose qui est en face. Et dans l'idée du voyeur, il y a justement un désir qui ne doit jamais arriver à la fin, vraiment un fétichisme où toujours on aller doit vers pas toucher. Exactement. Et donc dans l'idée que peut-être que si on se rend compte que toucher au réel, c'est impossible quand on est en train d'écrire un roman, ce ne sera jamais le vrai, le réel. Il faut avoir justement cette idée du fétichisme pour ne jamais être dans l'échec en face de soi. Donc c'est une réflexion aussi sur le rôle et le travail de l'artiste et de l'écrivain. Oui, véritablement, l'idée d'aller vers, mais ne jamais réussir parce qu'il sait à l'avance qu'il ne peut pas réussir. Le mot naturalisme, il ne peut pas avoir la nature. Il y aura toujours un obstacle, celui du papier, celui de la fiction qu'il est en train de faire. Donc c'est quelque chose qui est impossible. Et d'ailleurs, le peintre Claude Lantier finit par se suicider parce qu'il n'y arrive pas, justement. Et aucun de ces personnages ne se dit à un moment donné que justement l'art, s'il limitait totalement la réalité, il n'aurait plus d'intérêt parce que la réalité, précisément, nous vivons déjà dedans. Ce qui est étonnant, c'est qu'il le dit beaucoup plus lorsqu'il fait de la critique d'art que lorsqu'il est en train qu'on voit les personnages dans ses romans. Ouais. Alors vous allez encore plus loin, Émilie Piton-Foucault, dans votre essai, quand vous convoquez, alors déjà, bon, support surface, des artistes ultra contemporains, mais aussi des penseurs comme par exemple Michel Foucault. Donc évidemment, Michel Foucault est né bien après Zola. Qu'est-ce qu'il vient faire là, Michel Foucault, dans votre analyse? Alors, deux choses totalement différentes qui avaient fait tellement de choses, hein, Michel Foucault. La première chose, c'est justement dans l'idée de justement la représentation et le réel qui n'existe pas et que ceux du réalisme ne verraient pas, ce qui est relatif chez Zola. Et puis, un autre essai qu'il a réalisé sur le panoptique m'a beaucoup intéressé puisque Zola le fait très souvent d'utiliser des cercles où les gens sont en train d'observer et eux ne sont pas vus. Alors par exemple dans La Fortune des Rougon, il y a un personnage, Félicité, qui est toujours posé à sa fenêtre pour observer. On ne sait jamais véritablement ce qu'elle voit, il y a juste une utilité. Son regard est totalement fermée et personne ne la regarde elle-même, on ne la voit pas de l'extérieur non plus. Un peu comme un gardien de prison, oui. Et c'est là où on rejoint Foucault, regarde les prisonniers sans pouvoir être lui-même vu. Oui, le mot cadre est important puisque c'est aussi un terme que Zola donnait dans ses manuscrits, justement, lorsqu'il avait prévu l'ensemble de ses Rougon-Macquart pour le vendre, hein, ou en tout cas pour qu'on accepte de l'éditer, disait le cadre, je sais pas, de tel milieu, le cadre de tel milieu, le cadre de tel milieu. Donc véritablement, tout ce qu'il écrit, c'est un cadre qu'il dirige. Alors, du coup, on peut se demander quelle vision de la société cela traduit, cette vision du panopticon bien avant Foucault, et cette idée que les gens de la ville de Plassans sont un peu comme s'ils étaient dans une prison, observés par quoi, les bourgeois. Qu'est-ce que ça représente comme vision du monde? Qu'est-ce que ça donne? Alors justement, dans La Fortune des Rougon, il y a un rapport avec justement le pouvoir qui est présent dedans, notamment à un moment, puisque Aix-en-Provence, Plassans, avait une muraille tout autour, un rempart qui était encore utilisé à cette époque-là, ce qui n'était pas le cas partout. Et justement, ceux qui sont du côté de Napoléon III sont là en train d'observer sur l'extérieur ceux qui pourraient justement prendre le pouvoir avec le coup d'État et qui imaginent des diables en regardant en face à l'extérieur. Donc il y a vraiment cette idée de séparation et d'organisation. Et alors tout à l'heure, quand je parlais des peintres abstraits plus contemporains, Kandinsky, support surface, là encore, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet-là, sur le lien que vous faites entre Zola et ses artistes? Zola se servait beaucoup de géométrie et de dessin lorsqu'il était dans son manuscrit. Et lorsqu'il fait lui-même des descriptions, les lignes sont essentielles. Ce qu'il aime quand il fait quelque chose d'une région, ça va être extrêmement un plan. plutôt qu'un véritable paysage, où il utilise des carrés, des lignes, et qui lui-même, hein, Lombroso l'a très bien démontré, que même parfois dans ses plans, il ne peut pas s'empêcher de le rendre plus géométrique et de changer la place des rues dans un plan, parce qu'il faut que tout soit parfaitement rangé. Et aussi, je pense beaucoup au logogramme dans ses œuvres, puisque finalement, parfois, il décrit des choses où il dit que c'est en encre, que ça fait des mâts dedans, ce qui nous donne l'impression que c'est presque une écriture qui est dessinée. Merci beaucoup, Émilie Piton-Foucault. Je rappelle le titre de votre essai, Zola ou la fenêtre condamnée, la crise de la représentation dans les Rougon-Macquart, paru aux presses universitaires de Rennes en 2015. On peut également signaler votre livre Lecture de Zola, la fortune des Rougon, aux presses universitaires de France, également en 2015. Cette émission a été rendue possible par Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinot, Vanessa Prévost, Stéphanie Velin et Jean-Guilain Mèche. Demain, troisième numéro de notre série Zola. Nous analyserons son parcours d'écrivain par le prisme de la sociologie. Ce sera avec Frédéric Giraud. Tout de suite sur France Culture, on retrouve la poésie Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Avec Charles Reznikoff, ça et là, inscription, c'est une perception de l'Amérique chez nous, chez nous, l'éditeur. Amérique révolue, certes, Amérique des années 50, mais une écriture juste neuve de poésie dite objectiviste à laquelle Reznikoff ajoute des poèmes bibliques, des poèmes autobiographiques. Écoutez. Cette eau est amère. Vous devez apprendre à la boire. La nourriture que vous avez trouvée ne durera pas. Pleine de verre au matin, vous devez en trouver une autre. Oui, ça commence comme un péplum, vous savez, ces voix doublées françaises un peu déclamatoires. Vos ennemis vous ont interdit cette paix, cet endroit. Vous en trouverez un autre. Une terre de lait et de miel, de sources et d'arbres fruitiers. Oui, plus loin. Le peuple timide qui courait jadis devant les chevaux de ses maîtres dans le désert, là on va laisser filer le poème, pour réclamer un peu de pain, se rappeler avec nostalgie les poissons et les melons frais d'Égypte, et ne rien trouver d'autre que des mares d'eau, amères ou boire, des serpents sous leurs pas et des épées dans les mains des ennemis, jusqu'à ce que le faible et l'humble, le bon et le gentil soient morts, est devenue cette horde de sauvages sortis des rochers. Ces nomades qui, défaillant dans la chaleur du jour et se gelant la nuit, menaient encore quelques chèvres et moutons de désert en désert, dénichant leur nourriture dans les buissons et grattant le sable à la recherche de racines, sont à présent ces rustres, devenus gras, dans des cités clôturées et des villes emmurées, dans des maisons d'ivoire. Ceux qui ont quitté leur terre pour toutes les contrées voisines, les pieds dans la boue des galères ou suivant les chars enchaînés les uns aux autres pour être conspués dans les villes et toisés par les bergers, sont ces juifs dans les villes de Perse et d'Espagne, en Égypte, en Angleterre, qui ont des maisons en pierre et des champs verdoyants, des coffres pleins de pièces d'argent et de livres, qui vont tranquillement à dos de mules ou chevaux pour vendre damasseries, fourrures, épices, prêter de l'argent au Seigneur et devenir les médecins et les conseillers inquiets des rois. Au milieu des hommes qui se gobergent, boivent et dorment dans leur vomi, soyez propres et tempérés. Au milieu des hommes qui convoitent et forniquent, soyez sincères. Au milieu des hommes en armure, soyez des hommes de paix. Au milieu des hommes en robe qui jeûnent, se flagellent et vont en cilice prêchant l'amour et le feu de l'enfer, soyez des hommes sensés. Au milieu des hommes qui torturent, soyez des juifs. No ideas but in things, no ideas but in facts. C'est pour conclure tout le projet de l'objectivisme décliné ici par le docteur William Carlos William. Pas d'idées hors les choses, pas d'idées hors les faits. Jacques Bonafé, merci.